Audiomatique. Pour amorcer la transmission 370 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe français Ezekiel. Nous entendions la pièce titre de leur deuxième album studio intitulé Barbary et paru en 2003. Pour la suite d'Audiomatique, voici la collaboration entre le groupe français Tara King Theory et le comédien français Dominique Paturel. It's your opportunity to save hundreds of dollars on fabulous estate jewelry featuring an outstanding collection of fine diamonds, opals, emeralds, sapphires, and other precious stones. L'année écoulée avait été pire que les précédentes. Ils étaient peu nombreux, ceux qui arrivaient encore à chanter. Les voix se brisaient, on ne les entendait plus. Un mal sourd envahissait les êtres, un manque qui les broyait de l'intérieur. Pas un monde d'amnésiques, seulement la mémoire collective, peu à peu, disparaissait. Oh, bien sûr, des milliards et des milliards d'informations étaient stockées dans des intelligences artificielles, mais plus les souvenirs étaient méthodiquement classés dans des réseaux informatiques, plus ils s'évaporaient de la mémoire de chacun. Sans souvenirs, plus d'images. Sans images, tout comme les voix, l'imagination se brisait. On ne l'entendait plus. Depuis qu'il était né, Harold se sentait différent du monde qui l'entourait. Harold avait l'habitude, dès que quelque chose n'allait pas, de se réfugier dans les tableaux. Ce jour-là, une fois de plus, tout à l'extérieur lui semblait aller trop vite, être maussade. Personne ne prenait le temps de s'arrêter une seconde, pour rien, une seconde pour soi. Plus personne ne songeait à rire. Alors il décida d'aller trouver refuge dans son tableau préféré, une peinture marine qui représentait un rivage escarpé et au loin un immense navire. Il fixa le point culminant du rocher, se concentra, ferma les yeux et quand il les rouvrit, il était perché au-dessus de l'océan. Le vent fouettait son visage. Dans son tableau préféré, le temps semblait presque suspendu. La nature, elle, savait savourer la lenteur. il plongea. Il ne remonta pas immédiatement à la surface. Harold aimait rester sous l'eau de longs moments. Il venait si souvent dans ce tableau que ses fonds marins n'avaient plus pour lui de secret. Le doux bruissement des êtres de l'océan, à peine murmure, était apaisant. Chaque mouvement, ralenti par le poids de l'eau, semblait revêtir plus d'importance. Le moindre geste, amplifié par les ondes, paraissait durer une éternité. Plus il avançait, plus son corps se fondait dans la masse environnante. Sous l'eau, on était obligé de prendre son temps. Le courant l'emportait tranquillement vers le navire. Enfin, Harold refit surface, un peu étourdi par son quart d'heure sous-marin. Il était à quelques brasses du bateau. Un des hommes d'équipage l'aperçut et lui lança une échelle afin qu'il pût monter à bord. Une fois sur le pont, Harold salua tous ceux qu'il connaissait et on lui présenta de nouveaux venus qui avaient embarqué à la dernière escale. Un marchand de soie, drapé dans de majestueuses étoffes, un couple de pirates débonnaires, une princesse indienne au regard étrange, trois nouveaux marins et leurs familles, et un vieil homme aveugle et sa fille, Octavie. Octavie avait la curieuse habitude de mettre les rêves en flacon. Sur le pont, l'agitation était à son comble. On finissait les préparatifs d'une grande fête à l'occasion de l'anniversaire du capitaine le soir même. Une équipe de jeunes moussaillons briquait le pont avec ardeur en chantonnant. Un somptueux banquet avait été dressé et une armée de petits mitrons remontait un à un des cuisines, les bras chargés de victuailles. Des parfums d'une étonnante finesse envahissaient l'air ambiant. Senteurs exotiques de plats inspirés de mille contrées lointaines. Le navire faisait commerce d'épices. Un manège de chevaux de bois avait été monté pour la plus grande joie des enfants, et tout autour, des hommes accompagnaient son mouvement au son de leurs guimbardes et de petits tambourins. Le capitaine s'était retiré dans sa cabine pour revêtir ses plus beaux atours. Lorsqu'il apparut, un feu d'artifice éclata. On offrit au capitaine le plus beau des présents, un magnifique nocturlab incrusté de pierres précieuses afin qu'il pût lire l'heure durant la nuit dans les étoiles. Puis chacun se mit à danser et Harold se trouva bientôt nez à nez avec Octavie. Il ne pouvait s'empêcher de fixer la petite fiole qu'elle portait au bout d'une longue chaîne autour de son cou. Elle vint doucement lui dire à l'oreille qu'elle attrapait des rêves pour son père. C'était sa seule manière à lui de voir. Elle les enfermait temporairement et les relâchait le soir venu sous l'oreiller du vieil homme. Elle était en train de lui proposer de lui présenter un échantillon de sa collection, quand soudain, un cri déchirant avait percé le ciel comme un éclair. Harold savait que ce cri était celui d'une femme à l'extérieur du tableau. Il connaissait cette soudaine expression de souffrance. Chaque jour, dans la rue partout, des gens hurlaient, les yeux vides, les regards, désemparés, qui n'avaient plus rien de vivant. Il fallait agir. Si on ne se décidait pas rapidement, la mémoire collective et son cortège d'images allaient vraiment disparaître. Le choc du hurlement avait eu pour effet de ramener immédiatement Harold à la réalité. Il erra dans les rues toute la nuit, croisant des ombres, des fantômes de vie, des corps sans âme. Il partait à la recherche du moindre indice qui saurait l'aider à trouver une solution. Il fallait découvrir le moyen d'enrayer la progression du mal. Octavie, tel un mirage, traversait souvent ses pensées. Octavie et sa collection de rêves en flacon. De retour chez lui, il observa longuement son tableau et décida d'aller la chercher. Une fois dans son lit, juste avant l'aube, Harold eut du mal à s'endormir. Il tournait, se retournait. Et soudain, il lui semblait apercevoir une lueur bleue se glisser sous la porte. C'était une sorte de luciole, translucide et lumineuse, qui papillonnait en s'approchant. Et puis une seconde, verte, et une rouge, puis une jaune. Toutes quatre tourbillonnaient en semant derrière elles une pluie de poussière dorée. La première se nommait Abby. Elle représentait le souvenir. La seconde, Omé, incarnait la sensation. La troisième, Bao, figurait l'imagination. Et la dernière, Lia, la situation. À quatre, elles esquissaient une danse au-dessus des yeux d'Harold ébloui. Et puis, comme par magie, une nymphe chamarrée rebondit, surgit de nulle part, et en trois battements de ses minuscules ailes, se retrouva au centre de la ronde chatoyante. C'était Xéo, l'ordonnateur. Xéo capturait au vol les microscopiques particules colorées disséminées dans leur danse par les lucioles. Et il les assemblait à son gré de manière à constituer une véritable petite scène. Une pincée d'imagination, un soupçon de souvenir, un zeste de sensation et quelques milligrammes de situation. Zéo mélangea le tout dans une timbale de cristal et se mit à souffler sur son contenu vaporeux en direction d'Arol. Harold bénéficiait du prodigieux privilège d'assister à la naissance d'un rêve. Un peu plus tard, au matin, Harold décida d'aller visiter un tableau qu'il connaissait moins bien. Il représentait trois enfants, joints avec un chien devant une maison ensoleillée, sur le versant d'une montagne. Au fond de la vallée, on distinguait, minuscule, un train. Harold se concentra sur l'image de ce train lancé à toute vapeur sur ses rails, et l'instant suivant, il filait à vive allure à l'intérieur de celui-ci. Il pénétra dans un compartiment où il fit la connaissance d'Oscar. Oscar noircissait sans relâche des dizaines de pages avec des listes de mots, puis il les découpait et lançait une ribambelle de rubans de papier par la fenêtre. Il était très pâle et semblait anxieux. Oscar, dans la vie, s'était donné pour mission de sauver des mots en perdition. Alors chaque jour, il choisissait un mot dont il aimait la sonorité et qui menaçait de s'éteindre parce que plus personne ne l'employait. Et il le disséminait dans tout le pays sur des rubans de papier depuis ce train. Harold lui proposa de repartir avec lui. Après avoir regagné ses pénates, Harold se mit à fouiller son grenier à la recherche de nouvelles images. Il trouva bientôt de quoi nourrir son penchant pour l'exploration. Trois pièces retinrent particulièrement son attention. Une vieille carte postale en noir et blanc, une partition musicale à peine ébauchée et la photo d'un obscur sous-bois. La carte postale représentait les rues pavées et désertes d'un petit village aux bâtisses biscornues. Si elle avait capté le regard d'un rôle, c'est que, bien qu'en noir et blanc, elle semblait se doter de taches de couleur de manière très fugace. Il fallait en avoir le cœur net. Il mit la partition et la photo dans sa poche et d'une pirouette, sauta dans la carte postale. Une fois dans l'image, Harold observa les maisons autour de lui. Tout était étonnamment silencieux et gris. Il vit une église en haut du village et il commença à remonter la rue en noir et blanc dans sa direction. Sur le parvis de l'église, il aperçut Soli. Soli dansait. Un long pinceau blanc dans une main et dans l'autre une palette de couleurs. Soli s'arrêta, s'approcha de la fontaine et du bout de son pinceau jeta quelques gouttes de bleu dans l'eau qui se mit à scintiller. Puis elle entreprit de peindre tranquillement sa robe en rouge. Mais au moment où elle apposa la dernière touche, l'eau de la fontaine perdit sa couleur. Sully passait son temps à vouloir transformer un paysage qui, au fur et à mesure, absorbait inéluctablement les couleurs. Mais elle poursuivait son but, imperturbable. Harold lui raconta son projet. Un peu plus tard, il se mit en tête d'aller visiter la photo du sous-bois et, en fermant les yeux, pénétra délicatement dans l'image. Il marcha un moment à travers la forêt touffue et sombre et découvrit une clairière où perçait le soleil. Les arbres immenses formaient un cercle au centre duquel l'herbe était abondante et parsemée de jonquilles. Dans cette clairière se trouvait une cabane. Et dans cette cabane se tenait Luna. Luna dessinait. Elle dessinait toujours le même arbre. Un chêne centenaire. Luna pensait que celui qui avait la chance de trouver la perfection se devait de s'y tenir sa vie entière. Elle accepta de le suivre. Et puis soudain, Harold se rappela la partition qu'il avait roulée dans sa poche. En l'observant un instant, il lui sembla apercevoir une sorte d'insecte virevolté sur la feuille. Sans le vouloir, il se concentra tellement sur les lignes qu'il se retrouva bientôt au cœur de la page. Il était assis sur une clé de fa et devant lui se tenait Norbert, armé de son skateboard. Norbert s'élança allègrement sur la vertigineuse piste que formait la portée musicale. Norbert était musicien. Norbert surfait sur des partitions. Il portait sur son dos une petite besace dont il tirait des poignées de notes et les jetait en passant sous ses pas. Les notes, en atterrissant sur la portée, s'accrochaient les unes derrière les autres en inscrivant une mélodie dont les accords résonnaient loin derrière Norbert. Norbert écrivait ainsi chaque jour des centaines de lignes musicales, mélancoliques ou trépidantes au gré de ses humeurs. Il proposa même à Harold de l'accompagner quelques minutes sur son engin. Harold, enchanté, découvrit l'ivresse que procurait la vitesse avec du son plein les oreilles. Norbert lui aussi pourrait l'aider dans son projet. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, Harold, tout étourdi, mit quelques minutes à retrouver ses esprits. Et puis il songea qu'après toutes ces pérégrinations, il était grand temps de rentrer. À l'extérieur des images, le temps et les hommes continuaient leur œuvre destructrice en faisant disparaître les souvenirs. S'il lui était encore possible de tenter une mission salvatrice, Harold devait s'y mettre le plus rapidement possible. sur le chemin du retour, Harold trébucha sur un livre endommagé qui gisait sur le trottoir. La couverture de cuir, lustrée et un peu râpée, était marquée d'un curieux dessin géométrique. Harold commença à consulter les pages jaunies. Les illustrations ravivèrent sa curiosité et il résolut d'aller faire un tour dans cet ouvrage juste pour voir. À peine entré dans le recueil, Harold tomba nez à nez avec Timothée. Timothée était assis sur un parterre de hautes herbes, les yeux fixes, il souriait, en pleine méditation ou peut-être en plein songe. Timothée aimait se livrer des jours durant à l'observation d'une saison. Timothée s'occupait des semaines durant à la contemplation d'une sensation. Timothée se perdait sa vie durant dans la célébration des émotions. Quand il aperçut Harold, il lui parla d'une voix très douce. Timothée s'adonnait au plaisir de l'entre-deux. Un jour, parce qu'il était d'un naturel solitaire et distrait, Timothée s'était laissé happer par l'infime vide entre deux secondes. Depuis, il passait son temps dans les instants, entre deux instants, où le temps semble suspendu, où tout paraît s'immobiliser. Et il fit bientôt découvrir à Harold les mystères que recelaient ces moments précieux. Au lieu de l'immobilité apparente, l'atmosphère était au contraire à une effervescence incroyable. Harold n'en croyait pas ses yeux. Entre deux instants, il se passait des milliers d'événements insoupçonnables, et pourtant d'une importance décisive. Entre deux instants, on naviguait dans l'air ambiant tout le panel des sensations humaines. Et moi, tristesse, tendresse, chaleur, honte, reconnaissance, devoir, étourdissement, amour, frisson, gêne, désir, peur, impatience, en quantité inénarrable. Dans un tourbillon de formes étranges et colorées, ses sentiments se croisaient à toute allure et le vent les semait au hasard. Entre deux instants, le soleil ne servait pas seulement à réchauffer l'atmosphère et à faire croître la verdure, il faisait aussi surgir le bien-être par la peau. Le tonnerre faisait trembler le ciel et la terre pour remettre les instants dans l'ordre. Les éclairs jetaient la lumière sur les zones troubles des esprits échauffés par des degrés Celsius qui se perdaient en passant d'une partie du monde à l'autre. Entre deux instants, les mots égarés dans les câbles téléphoniques ressortaient et couraient le vaste monde pour trouver de nouveaux acquéreurs. Les nuages devenaient de véritables usines à pleuvoir des odeurs et des idées que les courants d'air se chargeaient de disséminer discrètement entre les hommes. Entre deux instants, même l'ombre d'Harold s'activait. Elle allait guérir partout des rires qu'elle lui glissait ensuite à l'oreille. Entre deux instants, le temps gagnait du temps. Harold réfléchissait à la conséquence que pourrait avoir cette découverte. Il avait trouvé l'ambassadeur parfait pour prôner la contemplation. Timothée accepta avec joie de le rejoindre dans son ambitieux projet. Chez lui, Harold avait réuni tous les étranges personnages rencontrés au hasard de ses visites d'iconophiles. Il les installa tous dans un gigantesque souterrain et leur demanda simplement de se livrer chacun à leur occupation habituelle. Mettre des rêves en flacon, sauver des mots, peindre le monde alentour, dessiner la perfection, vivre pour créer des mélodies. Mais tous avaient pour mission de mettre précieusement de côté leur butin. Pour sa part, Harold s'était procuré une immense toile vierge. Jour après jour, heure après heure, tous ses invités allaient travailler sans relâche. Et chaque soir, chacun devrait déposer son précieux trésor d'images sur la toile. Pendant ce temps, Harold continuait ses recherches. Il visitait sans jamais se lasser des images et des tableaux, des photos, des dessins. Lorsqu'il rentrait, il se mettait à presser ses amis, à leur demander d'aller toujours plus vite. Dehors, tout allait de mal en pis. Trop d'images disparaissaient, trop de souvenirs partaient en fumée, trop d'êtres à chaque instant passaient de vie à trépas. Afin de leur expliquer le drame qui se jouait à l'extérieur, il leur fit parcourir la ville quelques heures. Et tous purent comprendre l'urgence de leur mission. Des êtres ravagés par la douleur se tenaient la tête entre les mains en hurlant des mots désordonnés, incompréhensibles. D'autres semblaient cloués à terre, incapables du moindre mouvement, terrassés par le mal qui les broyait de l'intérieur. Convaincus par Harold et par les images d'Apocalypse qu'ils avaient entrevues, ils se remirent tous au travail avec acharnement. Et tous tentaient l'impossible. Sauver ce qui pouvait encore l'être en les faisant passer dans un nouveau monde créé sur l'immense toile vierge. Pour aider ses amis à remplir cette toile de tout ce que le monde extérieur était en train de tuer, Harold, chaque jour, ramenait avec lui de nouveaux personnages. Au gré de ses explorations, il avait ainsi découvert d'autres êtres accrochés à leurs rêves et qui avaient accepté de le suivre. Il y avait Malo, qui fixait sans relâche des plumes aux larmes dans l'espoir qu'elles s'envolent. Côme, en perpétuelle prospection de parfums pour réaliser son vœu le plus cher, écrire un livre raconté par les odeurs. Calliope et son araignée Philomène, qui tissaient une soie d'une douceur incomparable dont Calliope recouvrait les mots qui font mal. Placide, l'apprenti chimiste, qui tentait de créer le pollen d'arc-en-ciel afin qu'il se reproduise plus vite. Et puis Athénaïs, qui enfermait les malheurs dans des bulles pour les rendre plus légers. chacun d'eux, à peine arrivé, venait apporter sa touche personnelle à la toile d'argent. Retourner à l'extérieur, chercher ceux qui pouvaient encore être guéris, les arracher à la morosité ambiante, les détacher de leurs peurs, les éloigner de leurs cauchemars, les convaincre qu'ils pouvaient vivre autrement. Après quoi, Harold put enfin pousser tout doucement ses êtres à bout de force vers la toile qui pouvait les sauver. Les amener sans heurts à se glisser dans une image. Leur apprendre à se laisser aller à la lenteur, à la dégustation du souvenir, au plaisir du rêve. Audiomatique, nous entendions le conte musical Passage séquentiel, dont la musique a été composée par Arnaud Boyer du groupe français Tarraking Theory, et l'histoire écrite par la chanteuse Cécile Morel-Journel. La narration, quant à elle, est l'affaire du comédien français Dominique Paturel. Mentionnons également la participation du bassiste Alex Bonny. Toujours en compagnie des sonoristes à Audiomatique, et pour conclure cette transmission 370 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir une pièce du groupe The Legendary Pink Dots. Nous entendrons donc sa composition The Grain Kings, qui se retrouve sur l'album The Maria Dimension, lancé en 1991. Nous vous invitons bien sûr à être présents mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour la présentation de la transmission 371 d'Audiomatique. Vous pouvez également vous tourner vers nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique si jamais vous souhaitez écouter nos anciennes transmissions en balado-diffusion. Voici donc The Legendary Pink Dots et la chanson The Grain Kings. C'était Audiomatique avec les sonoristes.